C'est fait, le son des platines, c'est celui que vous entendez derrière. DJ Snakes, Mick. Non, DJ Snakes, Mix. Mick sur Skyrock, c'est pas facile à dire. DJ Snake. Try again another day. I should be happy, not tipping the scale. I just won't play, letting my life get away. Boom.